Bonsoir Olivier. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Bien, mieux. Mieux? Oui, j'étais malade. Qu'est-ce que tu avais comme maladie? Une maladie de maladie chronique. Tu sais que on en a parlé, j'ai toutes les maladies oui. possibles, imaginables, oui. surtout une tendance à la schizophrénie. Voilà. Et à la paranoïa mmh. aussi. Mmh. Voilà. Et donc je me soigne en chantant. Ça te fait toi un artiste complet? Un artiste complet, enfin un artiste en devenir, un artiste qui essaye de l'être autant que faire se peut. Mais il peut mieux faire, toujours peut mieux faire. Tu trouves difficile ? C'est difficile la vie, parce qu'il y a toujours des aléas, des choses qui ne fonctionnent pas. Bien sûr. Et c'est difficile de rebondir, mais il faut toujours rebondir pour aller plus loin, dériver, se laisser porter partout, par nécessité, par goût du jeu, par amour. Mais quelque part, de surmonter des problèmes. Oui, mais je ne voudrais pas que tu m'interrompes, parce que c'est très agréable. Hein, je suis là pour parler, s'il vous plaît, je suis là pour parler de moi alors, en particulier, alors, d'accord ? Parle dans le micro. Oui, non, mais. Je t'ai dit que ça serait difficile. Je sais. Malade du cerveau, tu le sais pas, ça ? Excuse-moi. Voilà. Excuse-moi. Landry, ça va ? Ah, il y a quelques. Ah, mais on a changé d'endroit. On est dans le parc. Ah, avec tout de suite, ça va beaucoup mieux parce que là, je me sentais un petit peu étouffé. C'est surtout que. C'est la claustrophobie. Il y a des toilettes à côté, donc c'était difficile pour moi de revenir ici. Mais sinon, il y a une bonne ambiance ici. Puis il y a une charmante jeune femme en face de moi. Charlotte. Qui s'appelle Charlotte et. Bonsoir. Ah, et qui parle. C'est extraordinaire. Parfois, oui. Tristan parfois, est en mais pas souvent. Bonsoir. Bonsoir, c'est Tristan. Tristan, c'est un prénom qui me rappelle de bons souvenirs. Mais bon, on va peut-être pas parler, dévoiler ma vie sexuelle tout de suite. Hein, on va entendre un petit peu. Voilà. Allô. Donc on a commencé non, à dire c'est que un très beau garçon, franchement. Alors on a commencé à dire que tu. Charlotte aussi, c'est une. Enfin, c'est pas un garçon. J'ai bien compris. Mais c'est merci. Merci. Non mais de rien. De toute façon, on n'y peut rien. Hein. On est comme on est. Hein. Enfin, on est comme on est. Enfin, je veux dire, Et vice versa. Voilà. Vice versa. Qu'est-ce que ça veut dire, vice versa? Rien du tout. Rien du tout. Vice versa. Le rien. Alors, on va être sérieux. On va reprendre les rênes de l'émission. Landry, s'il te plaît. On reprend les rênes de l'émission. Oui, reprend les rênes. J'avais l'impression que vous vouliez vous évader. Non, je vous laissais. Non, mais c'est le parc était très agréable. Ah. Donc, tu. Ah, je vais aller à la fontaine, pardon. Je sais pas si ça. Oui. Non, on n'entend pas, un tout petit peu. Et on entend un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu. Alors, Olivier Capel, chanteur. C'est moi. On n'est pas chanteur du jour au lendemain. Oui. Tu as été plus jeune. Oui, tu as fait ça je confirme. Tu as fait autre chose dans ta vie. Oui. Des choses qui t'ont amené un jour à être chanteur. Non. Non, si je suis chanteur, je pense que c'est à cause de mon père. Je pense que c'est ça. Parce que mon père n'était pas du tout chanteur, mais il chantait quand j'étais petit. Et mon père a une très très belle voix. Vraiment. Je pense que ça m'a influencé. Comme il n'a pas fait du tout du chant, pour moi, je pense que c'est une façon de... De le rattraper Non, c'est une façon de lui dire « Papa, je t'aime ». Voilà. C'est peut-être ça. Non, mais peut-être que c'est pas vrai. Mais sinon, non, la voix, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai envie de chanter. Tu chantes tout le temps. La musique aussi. Tu chantonnes tout le temps. Oui, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai chanté dans la cage d'escalier. Oui. J'aime bien ces endroits. Voilà, ces endroits qui sont, comment dire, généreux pour le timbre de voix. Et c'est très agréable. Et puis en plus, ça permet de comment dire de laisser porter oui par de se laisser porter par le son et ça permet d'appréhender l'espace c'est bien de chanter un peu n'importe où quand on peut hein. Il y a des endroits qui sont très très agréables pour chanter et les désagréables l'endroit qui est très difficile c'est dans les supermarchés par exemple où c'est très difficile de chanter parce qu'il y a tellement de bruit autour Ça permet pas de s'isoler. Voilà, alors que. Mais non, parce qu'il y a tellement de musique de fond, de bruit de chariot, de bruit de brouhaha. Donc c'est, pourtant, c'est un endroit où tout d'un coup on aimerait que tout le monde s'arrête et qu'il n'y ait plus de bruit du tout. Et voilà. Mais ça, c'est pas possible. Ce serait une bonne idée de s'arrêter en plein milieu du supermarché, voilà, faire un petit concert, improviser. Arrêtez tout. Tout le monde s'arrête. Tu es bien de du sud-ouest. Ça s'entend, c'est tant que ça. Charlotte, ça s'entend. Un peu, quand même. Hein. Un peu, oui. Bon, tant mieux. Tu es de Montauban. Oui, je suis né à Montauban, pas très loin d'ici, donc. Et qu'est-ce que tu veux savoir encore? C'est pour faire ton parcours. D'accord. Grosso modo. Je te laisse parler, pardon. C'est dommage de faire avec des gros traits, mais c'est quelque part important. À 17 ans, tu as commencé le théâtre? À 17 ans, j'ai quitté ma province, le théâtre, bien décidé à conquérir la vie. Oui, j'ai fait du théâtre au départ, parce que ça a été très pulsionnel aussi. Je suis tombé par hasard sur une association de théâtre amateur. J'ai commencé par du théâtre pour enfants. On m'a fait jouer un rôle comme ça, au pied levé, en remplacement. Un petit rôle dans une pièce qui s'appelait Youm et les longues moustaches. Tiens, je m'en souviens. Youm et les grandes moustaches. C'est très rigolo. Et on a joué, on a fait pas mal de spectacles pour les écoles. Et ça m'a... Ah oui, ça m'a plu tout de suite, ça. Parce que ça, on pouvait dire des choses, on pouvait jouer. Voilà, j'aime bien jouer. Et j'en ai fait pendant une dizaine d'années avec cette même compagnie. D'accord, et il faut que je vous mette à l'antenne. Et D'accord. Et voilà. Ok. Et la batterie, un petit peu plus tard. Et la batterie, c'est venu, plus tard, quand je suis rentré à l'école normale, pour être instituteur. Donc, et j'ai commencé, à 20 ans, j'ai commencé la batterie. Voilà. Dès que je me suis... j'ai eu ce concours-là, j'ai décidé de faire de la musique, donc très tard en fait, hein, très tard. Moi j'étais mélomane, j'ai toujours écouté et aimé la musique, mais à en faire, je suis pas très précoce dans la vie, André, mais je suis désolé. Est-ce que tu commençais à chanter déjà, même si c'était pas en quelque sorte mais une oui, carrière? Oui, moi j'ai toujours, tu sais comment on chante quand on est ado, quoi. Tu te souviens de ça? Tu chantes toi aussi peut-être, non? Non, mais c'est vrai, je chantais, mais non, j'aurais jamais pensé à chanter, la musique c'était un loisir, puis petit à petit c'est devenu un métier, mais vraiment petit à petit, pierre après pierre, voilà. Donc instituteur pendant 9 ans. Oui. Oui. Et après, coupures. Avec des coupures. Et après, mi-temps. D'accord. Et après, musique. Pendant que j'étais instituteur, j'ai fait de la musique. Enfin, j'apprenais, j'ai commencé. Est-ce que tu as lâché ce métier pour la musique? Est-ce que j'ai lâché ce métier? Laisser ce métier. Oui. Oui, ben, pour moi, c'est plus lâcher que laisser. Ouais, non, j'ai pas lâché, j'ai fait autre chose. Mais c'est parce que l'instituteur, c'est un très beau métier. Ouais, c'est un métier super. C'est un métier de résistant. Il faut. Moi, j'ai une admiration totale pour les enseignants, pour les instituts, pour ceux qui s'occupent des enfants, parce que c'est super dur. Vraiment, c'est super dur. C'est nerveusement, physiquement, quand on fait ce métier, enseignant, professeur des écoles, comme on appelle maintenant, c'est super dur. Vraiment, s'il y a des professeurs des écoles qui m'écoutent, ben, bravo. Non, vraiment, parce que moi j'ai craqué, j'en pouvais plus. Tu es un artiste et tu es sensible. Oui, parce que je voulais faire autre chose aussi, mais on est tout le temps sur du concret, sur du. Dès qu'on veut essayer de faire des choses un petit peu différentes, bon, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas. L'administration ne nous aide pas forcément. C'est dur, quoi. C'est un métier difficile, c'est vraiment. Et en plus, pas très bien payé. On reprend la conversation dans quelques instants. Oui. Nous avons Jimmy Pantic au téléphone. Oui. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous occupez de Rebelle Promotion? Oui, c'est ça. C'est... Rebelle Promotion, c'est un site internet qui se présente comme une plateforme de vente d'art. Oui. Donc, d'art universel, hein. fait, tous les arts, tout ce qui est créatif, et tous les gens qui créent, tout simplement, peuvent passer par ce site. Donc vraiment toutes sortes d'arts, musique, peinture. Alors oui, musique, peinture, sculpture, mais aussi littérature. Art déco et littérature. Hein. Mais ça se présente comment? Alors... C'est un site internet, donc? Donc c'est un site internet, oui, qui qu'on a voulu un peu original, donc qui... 3D, pour à l'intérieur duquel on peut naviguer de pièce en pièce. Et bon, les pièces sont par thème, donc par art. Donc il y a une pièce pour la musique, une pièce pour la peinture, sculpture, une pièce pour la littérature et des pièces pour l'art déco, par exemple, entre autres. Donc on se promène de pièce en pièce, on visualise, on écoute les extraits des musiques. On est dans la mesure du possible, chaque fois on donne le maximum de vision de la chose. Donc effectivement, quand c'est de la musique, on peut l'écouter. Quand c'est un tableau, on peut le voir, mais on le voit de manière... on peut le voir en gros plan, si on veut même. Oui. Oui. Et ainsi de suite. Quand c'est pour la littérature, pareil, on donne un extrait du livre de manière... chaque fois qu'on essaie de rendre, on essaie de rendre l'accès le plus aisé possible, le plus facile pour le visiteur, pour l'encourager justement à découvrir les artistes. Pourquoi vous avez créé ce site internet? Il doit y avoir une raison. À l'origine, en fait, moi-même, je suis musicien, donc je voulais créer un site pour moi et pour les gens qui correspondent un peu à ma démarche. Mmh. C'est-à-dire pas une démarche obligatoirement de professionnel qui se met dans le milieu en général. Bon, tout ce qui est la profession, c'est assez destiné aux jeunes. Dès qu'on a un certain âge, même si on fait quelque chose d'intéressant et si on a encore beaucoup de plaisir à la faire, ça passe moins, c'est moins perçu. Donc je voulais faire un site pour montrer ce que je faisais au départ. Par la suite, j'ai pensé à mes amis, j'ai dit finalement il y a plein d'autres gens dans ma situation. Donc autant l'étendre pour tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc n'importe qui peut vous proposer ses œuvres à vendre en ligne? Tout à fait, oui, tout à fait, c'est prévu. Et même n'importe quelle œuvre, c'est-à-dire tout ce qui est créatif. On a prévu des pièces qui s'ouvriront à la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande dans quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas classer dans des arts déjà conventionnels, on ouvrira une nouvelle pièce, c'est tout. Bien, bien. Et Rebelle Promotion, pourquoi Rebelle? Rebelle, d'abord, peut-être parce que c'est un peu ma démarche, moi, dans mon rapport à l'art. C'est-à-dire que je peux pas... j'ai toujours été un peu en dehors du conventionnel, on va dire. Hein. Et donc, au départ, le site ne pouvait pas être conventionnel. Et c'est parce qu'on a cherché de plein de manières. Et c'est-à-dire qu'en même temps, on a voulu profiter de ce qui existait le mieux de la technologie, Internet, des services rapides, de la programmation poussée pour que tout marche bien, oui. Des services de paiement sécurisés, donc tout ça. Oui. Et aussi, concernant les protections des œuvres, on avait le problème du piratage. Donc on a mis au point un système anti-piratage qui permet donc de retrouver la personne qui distribue dans les sites peer-to-peer. Oui. Donc on peut, c'est de la dissuasion, donc on peut lui envoyer un mail en lui disant c'est pas gentil ce que tu fais. Mais en même temps ça gêne absolument pas l'accès à l'œuvre. C'est-à-dire que moi si j'achète une œuvre chez vous et que je la mets sur un réseau de peer-to-peer, on saura mon identité dans le pseudo a été employé pour acheter cette œuvre, oui. Très très bien, merci. On va préciser que l'achat se fait en ligne. Oui, tout à fait. Le téléchargement, tout ce qui est numérique peut se télécharger et s'acheter en ligne, tout à fait. Voilà. Et qu'on n'a pas hésité parce que c'est vraiment, vraiment sécurisé. Ah oui, tout à fait, c'est sécurisé. C'est le top de la sécurisation au niveau du paiement en ligne, tout à fait. Ok. Et de toute manière, c'est une entreprise qui le gère, donc c'est tout à fait réglementé, quoi. On va donner l'adresse du site internet. Alors, c'est www.rebelle-promotion.com. Promotion au singulier. Et Rebelle, oui. R-E-B-E-L. Oui. Ok. Et il y a un lien sur le site internet d'Inzesis, au cas où, pour le retrouver, www.inzesis.com, I-N-D-I-E-S-I-S.com. Jimmy Pantic, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et passez tous une bonne soirée. Merci, à la prochaine, j'espère. Oui, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.

tout le temps. Il joue avec les sonorités. Par contre, j'ai bien beaucoup aimé le. C'est plus aisé. Il dessine aussi. Plus aisé et rebelle et robot aussi. Un site rebelle, un site robot. Non, mais c'est bien les sites en ligne. Mais le piratage, ça c'est. C'est un gros souci, ça, le piratage. Ouais, comment... C'est sympa leur système. Il y a ton identité dans le dossier que tu as acheté. Oui, oui. Si tu mets en peer-to-peer, on te retrouve. Oui, mais c'est un pseudo, non ? On peut toujours prendre un autre pseudo. Y a ton adresse moi, je dis qu'il y a toujours, on peut toujours pirater les pirates. Non, tu l'as acheté en ligne avec ta carte. Ah, oui. Et il y a ton adresse, ils ont tout sur toi. Ouh là là là là là là. On est sécurisé, tout va bien. On revient sur ton parcours de chanteur. Oui. Alors, tu n'es pas seulement chanteur, tu donnes des cours de chant. Ça m'est arrivé. Je sévis dans une école qui s'appelle Musicale. Voilà, où tu as commencé en tant qu'élève apparemment. Tu as vu des choses écrites sur mon site oliviercapel.com. J'ai que ça. .com. J'ai que ça. Et oui. J'avais que ça. Oui. Donc oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Donc oui. Oui. Alors quelle était la question ? Alors tu étais élève à Musicale. Oui. Tu as rencontré des gens à Musicale ? Oui, j'ai pris des cours à Musicale. Bon, j'ai pris des cours de chant avec un certain nombre de professeurs. Et puis, à Musicale, voilà, on m'a demandé de donner quelques cours. J'ai commencé un atelier. Puis voilà, c'est... je travaille avec 8-10 personnes. Des ateliers hebdomadaires de technique vocale, de polyphonie, de travail sur le rythme, mélodie, etc. On s'amuse bien, c'est très intéressant. Tes premières scènes, ça s'est passé quand ? Tes premières scènes ? Oh là là, je suis si vieux que ça. C'est pas le gang Capella, les premières scènes ? Non, tu fais pas si vieux que ça, mais t'avais des premières scènes. J'avais monté des spectacles avant, en étant instite, avec des enfants. J'avais fait pas mal, ça. J'avais fait des spectacles pour enfants, avec... parce qu'à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir un poste qui était un peu plus... ce qu'on appelle j'étais un peu détaché par rapport à une classe, j'avais pas une classe en charge, donc j'ai pu monter des projets vraiment super intéressants. Et après effectivement, de façon professionnelle, voilà. Mm-hmm. Après j'ai participé à des bœufs, des choses comme ça, j'ai commencé à chanter progressivement, quoi. Mais au niveau professionnel, c'est vraiment la rencontre avec Iris Lanserie et Michel Stenner, qui sont deux chanteurs toulousains. Mm-hmm. On les Michel comme Stenner, ça. On l'a reçu au moins trois fois. Voilà. Et donc j'ai commencé avec eux, avec un groupe qui s'appelait le Gang Capella. On a travaillé dur avec eux. Voilà. Et comment vous c'était très bien. Comment vous vous rencontrez ? Vous ne connaissez pas. Un jour vous rencontrez, vous faites de la scène. Oui. C'est marrant parce que j'ai vu leur spectacle à Montauban pendant le festival Alors Chante. Et j'ai dit, ouais, c'est vraiment super. J'étais spectateur, mais j'étais vraiment super. Et puis, j'étais très, très enchanté de ce qu'ils faisaient. Et puis, un peu plus tard, des chansons de. Prévert. Non, c'est pas ça ? Non, et des chansons françaises. chansons françaises. On est ici entre gens de bonne compagnie. Quoique je n'ai rien contre le boudin, franchement, j'adore ça. Mais et voilà, qu'est-ce que je disais ? Ne pas perdre le fil de sa conversation. Tu as rencontré Michel et. Ils m'ont appelé parce qu'ils cherchaient quelqu'un. Quelqu'un dans le groupe, ils étaient trois et. Quelqu'un est parti. Le nom m'échappe maintenant. Et j'ai remplacé. Voilà, je l'ai remplacé. Ils ont vu plusieurs personnes et ils m'ont choisi à moi. Parce que j'étais le plus beau et le plus gentil et le plus talentueux. Vous avez fait pas mal de choses. Hein, on a fait plein de choses. Hein. Attends, on a fait les premières parties de Richard Gauthénet, oui. Nicole Croisi, Enzo. Vas-y. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un, tu connais, t'aimes bien les gens de bien, toi. Hein? Ah oui, bon, oui enfin, tu vas être à la soirée des gens de bien. Oui, oui, oui. Quelqu'un de bien, qu'est-ce que quelqu'un de bien? Voilà, voilà une bonne question. Et je sais pas si bon, en fait, c'est dur pour tout le monde parce que. Voilà. Et enfin, c'était bien, c'était une belle époque. Il y avait de l'argent dans la culture, c'était extraordinaire. Vraiment, c'était extraordinaire, c'était un temps. Oh, c'était dans les années 90, voyez, où tu étais jeune à l'époque, mais c'était une. Oh, c'était une autre époque, une discipline. Enfin, ça s'est bien terminé. Et maintenant, il n'y a plus d'argent. Hein, partout. C'était l'avant 68 ? Non. Des années 90. Oh, excusez-moi. Voilà. Mais non, c'était bien. Mm. J'en garde un très bon souvenir. Quoi? Ça fait quoi de. Bon, je dis ça parce que. On va pas dire du mal des gens. Parce non, que non, ça, mais c'est ça, vrai. Ça... D'ailleurs, Michel et Iris, je vous embrasse. Je vous aime. Ça fait quoi de chanter au Bataclan? Non, je veux savoir le Bataclan. Ah, c'est super, oui. Oui. Ah, oui, c'est une belle salle, oui. On a fait une première partie, il y avait les gens, la foule. Il y avait. Et le bijou. Il y avait le tout Paris. Et le bijou, c'est bien. Le bijou, c'est bien. C'est... Ah oui, oui, ah, mais ouais. C'est des salles super. Oui. Ça craque. Oui. Les planchers. Oui, oui. Le oui. Son particulier du piano. Ah oui, ouais. Oui, le piano, oui. On reconnaît tout de suite. Quand on entend la piste Eve, ah. On dit, même pas besoin de voir bijou. Oui, oui, c'est on sait tout de suite. Tu entends le son du piano. Ah ouais, mais la du son... bijou. Ouais, l'acoustique de la salle, c'est oui. Tout de suite. Et nous Merci. Je fais une petite improvisation, indirecte. Parce qu'on a eu un petit souci technique tout à l'heure. On a peut-être branché du matériel. Oui. Oui, parce que normalement j'avais plein de pédales partout. Alors partout. J'avais des jacks. Alors je suis même allé chercher chez moi un jack qui n'a servi absolument à rien. On en a même. Alors en plus il n'y avait même pas d'eau. Alors il a fallu courir pour chercher de l'eau. Mais c'est bien. Le pain fou nous a passé des gobelets. Merci. Hein. Merci. J'aurais dit. Le pain fou, c'est quoi le pain fou? C'est rue du Thor. Pain fou, voilà. Voilà. Explique-moi, c'est quoi ça de faire? Vous faire de la pub. Pardon? Depuis quand on fait de la pub? De la à ton artiste? Ah, mais la pub, on Vittel, l'a fait. Vittel, Géant Casino. Ouais, ouais. On a fait la pub de Vittel et de Géant Casino. Géant, j'ai envie. C'est non, ça va pas là, tu le dis géant, pas assez. J'ai envie. Voilà, tu connais ça? Mais on a passé des heures à faire ça. Mais je te promets, c'était à trois fois. J'ai envie. Mais oui, parce que ça va jamais, parce qu'il fallait que ça soit plus. Tu vois, attends, y a un directeur artistique qui te dit non, là c'est pas assez, c'est trop. J'ai envie. Ah oui, mais là c'est trop. Tu vois, c'est trop triste. Pour le. Ouais. Alors tu recommences. Alors 1, 2, 3. J'ai envie. Voilà. Avec un serpent qui sonne. Mais. Mais là, mais par contre, ça paye la pub. Ah oui, carrément. On est bien payé. Bon, je sais plus. C'était les années 90. Vous avez à cette époque, il y avait de l'argent. Mais c'était dans. Il y a toujours de l'argent pour jouer un casino. Vous l'avez fait dans un truc qui était diffusé en national. Bien sûr, oui. Ça veut dire que je t'ai déjà entendu. Ah oui. À la radio. Oui. Enfin, je sais pas si tu écoutais la pub à cette époque-là. Tu peux pas t'empêcher. Mais c'est à deux ans, t'entends la pub, quoi. On a fait qu'une campagne. Mais c'était sympa. Voilà, c'était avec le Gang Capella, c'était les Toulousains, c'était l'arrangeur d'Enzo Enzo qui nous avait fait venir parce qu'il aimait bien ce qu'on faisait. Et qui est un très bon musicien d'ailleurs, super. Le pianiste, vraiment super. Donc avec le Gang Capella. Et avec le Gang Capella, on est monté à Paris, on s'est fait les pubs. C'était très chouette. À l'époque, on était les provinciaux, on payait. Donc, on avait déjà sûrement entendu Michel Stenner et Olivier Capel il y a très très longtemps. Ouais, mais c'était bien enfin, fait. Très très longtemps. Ah, c'est chouette. Évitez. D'ailleurs, si Radio Mon Pays m'employait pour faire des pubs, je le fais. Ce serait pas cher payé. Je ferais ça bénévolement pour le plaisir. Bénévolement, oui. Bénévolement, oui. Comment fait la mesure? Si je te fatigue, tu me le dis. Non, j'aime bien. Comment on fait la mesure avec les. Charlotte, ça va toujours? Charlotte nous écoute, mais alors. Elle a une patience. Si tu as envie d'intervenir, si tu as envie de poser une question, tu n'hésites pas. Hein? Non, je veux pas te. Non, mais c'est vrai parce que les femmes, c'est très important. Elle a les bras croisés, mais on dirait qu'elle s'isole. Moi, je suis pour la parité. Donc, ton temps de parole, Andri, est terminé. Voilà, je me tais. Okay. Bon, Charlotte, tu prends le. Tiens, regarde, passe lui les papiers et tu prends le. Non. D'accord. Ok, on continue. Vittel, c'était quoi? On va faire de la pub, vraiment. Non, mais je sais plus. Je sais plus. Vittel. Pabdabdila. Excellent. Pabdabdila. Voilà. Buve éliminé. Voilà, on boit de l'eau, d'ailleurs on boit de la cristalline pour pas faire de pub. Ah, Vittel. Tu te souviens de ta tournée où tu as rencontré Jean-Paul Raffi? Ah oui, Jean-Paul Raffi. Tu as rencontré dans une tournée, Jean-Paul Raffi, je t'adore. C'est le musicien toulousain qui est guitariste. Bernard. Oui, le musicien toulousain qui habite en Ariège quand même, il faut le préciser. C'est qu'on ne peut pas être parfait. Mais non, je plaisante. Pour ça qu'on ressent autant qu'il y a autant un aspect, je sais pas comment dire ça, montagnard dans ses chansons. Un aspect montagnard, c'est peut-être. Il y a quelque chose de terrestre, à la fois, de montagnard, quoi. Oui, certainement. Parce qu'il est né. Lié à la nature. Il y a la montagne, il y a la roche, il y a les grottes. Ouais. Visiter enfin le même paysage se reflète dans mes yeux. Voilà. Assis sur une pierre ridée par la pluie, je regarde le paysage, la rivière dans la vallée, les oiseaux vite. Les champs de. Enfin, etc. C'est une très belle. C'est une très belle poésie. On va se faire un petit aperçu. Ah, tu as quelque chose de. La piste 7 de. D'une orange sur un lapial. La piste aux étoiles, les étoiles que l'on voit briller le soir, les stars. D'ailleurs, je préfère que les stars sont. Allez. On écoute ça. Les étoiles. On écoute tout. C'est noir, quel froid. Quelques couloirs s'allongent à nos pieds. Va-t-on rentrer par là ou suivre un courant d'air? On perdrait bien le nord en cherchant une issue. Il faut pourtant y aller. Verra-t-on Bilbo dans son vestibule? Y trouvera-t-on le bon labidule? Est-ce bien là que nous devons chercher? J'y vais, je veux voir ce qu'il y a. Attends-moi. Ces galeries, où sommes-nous? Mais quel mystère il y a-t-il donc ici? On devrait retourner. Non, ça y est, j'ai trouvé. Derrière le rocher, il y avait une autre entrée. C'est noir, quel froid. Wow. Tant de recoins et de fantaisies. Déjà dû passer par là. Où sommes-nous? On tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. S'il y avait une entrée secrète, un œil dans le talus, une entrée, à quoi bon y aller si on ne peut se retrouver? On est Oui, ça y est. Oui. On est là, on est toujours là. Voilà. C'est une très très belle composition de Jean-Paul Raffi, qui est, à mon sens, c'est la première composition qui pourrait entrer dans la catégorie à la FNAC, opérette cavernicole, hein, dont le rayon est pour l'instant assez peu fourni, puisqu'il y a un morceau, et, mais comme il n'est pas distribué, le rayon n'est pas du tout fourni. Mais c'est un très beau morceau, j'adore ce morceau. Mais l'album est plein de petites histoires comme ça. Oui. Ça paraît simple, mais c'est une richesse en même temps. Ah non, mais il a, c'est oui. Des choses transmises. C'est très fin parce que il écrit les harmonisations, c'est des harmonisations mélodiques, donc ça suit un chemin, hein, c'est pas une grille de formatée, quoi. C'est Jean-Paul Raffi, c'est le compositeur toulousain, qu'on se le dise, j'insiste là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez le recevoir un jour, ça... Oh oui, bah, oh oui, vraiment, il n'était pas disponible. Moi, je ne sais pas parler, mais lui, oui. non, il dit des choses sérieuses, il c'est quelqu'un de posé qui... Il vit dans une bergerie, et sous la bergerie, il y a une grotte. Une grotte. Et de temps en temps, ça lui arrive de découvrir encore des bouts de grottes inconnues. C'est quelqu'un de bien, hein. Vraiment. On fera venir. Ah ben j'espère. Jean-Paul Raffi, bravo. Et c'est, en plus, il y a de l'humour dedans. Oui, c'est géant. La première piste, répétée après nous. Oui, parce que l'album s'appelle Une orange sur un lapiaz. Alors, lapiaz, Charlotte, qu'est-ce que c'est un lapiaz? Aucune idée. Et voilà. Hein. Donc, les géographes ont appelé. Je ne sais même plus le. On donnait le toponyme savoyard de Lapier pour dénommer des cavités de taille limitée de formes diverses ouvertes dans les calcaires. Mmh. On appelle Lapiaz les surfaces qu'il cisait. Voilà, répétez après nous. Je m'en doutais un peu quand on appelle Lapiaz, Lapiaz les surfaces qu'on cisait. Ça, on fait répéter au public la définition du Lapiaz. Bon, c'est un moment. Tellement décalé, tu ne t'y attends pas. Voilà, c'est voilà. Un moment, le moment fort du spectacle. Les géographes. Non, faut qu'on l'écoute, parce que juste en parler comme ça, on l'écoute vite fait, après on parle de ton association et du festival. Ah oui, oui. Qui aura lieu, oui. À partir de pas du Technival, du festival. Hein. Adopter le toponyme savoyard de Lapier pour dénommer des cavités de taille limitée et de formes diverses ouvertes dans les calcaires. Leur profondeur varie de quelques millimètres à plus d'une dizaine de mètres dans le cas de formes géantes. On appelle Lapiaz les surfaces qu'il cisèle. On appelle Lapiaz les surfaces qu'il cisèle. Avec nous ? On appelle Lapiaz les surfaces qu'il cisèle. Voilà. C'est drôle. Rions un peu. Non, mais sorti du contexte, si vous n'avez pas ri, c'est pas grave. Mais franchement, c'est rigolo. Si on n'avait pas expliqué avant, ça aurait été plus oui, encore. Oui. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que tu fais. Tu pars dans différents styles, avec différentes personnes. Parce que le bal des pendus. Ah oui, le bal des pendus, c'est magnifique, le bal des pendus. C'est très beau. Ah, oui. Ouais, vraiment. Et rien à voir avec Jean-Paul Raffi. Enfin, rien à voir, non. Enfin, non, différent, quoi, pas rien oui, à voir, bah oui, parce que c'est un groupe très, de rock. Très voilà. Donc, bon, d'abord, je jouais la batterie, je chantais très peu, je faisais quelques chœurs. Et puis, j'ai composé qu'une chanson. Et bon, c'était Michael Chary qui a composé, Arnaud Courcel, Romain Faber. Il y avait Camille Sabatier aussi qui jouait du violon. Fabrice Hayé qui a écrit beaucoup de textes et qui a composé aussi. On est tous compositeurs là-dedans. Ouais. J'ai beaucoup aimé le. Ce groupe, vraiment, travailler avec eux, c'est des gens super doués, super jeunes, super doués. Pour pas mal d'entre eux, là. Comme toi. Pour pas mal d'entre eux que tu as cités, là, on peut trouver un lien sur ton MySpace, vers les leurs. Oui. Le bal des pendus, il y a un site, il y a encore des morceaux. Ouais, donc on va donner ton MySpace, comme ça les gens... Oui, voilà, il y a mon site, oliviercapel.com, et le MySpace, oliviercapel... Olivier Capel. MySpace.com/... Dans la jungle des MySpace. Dans cette broussaille. On fait rechercher Olivier Capel. Oui, Olivier Capel. Oui, tombez sur mon site. Olivier Capel. Bon, il y a un Olivier Capel qui est un homonyme, mais c'est pas moi. Qui fait du business. Ah. C'est un businessman. Mais bon, il en faut. Enfin, j'imagine, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui. Bon, enfin, on va pas débattre économie ici, mais c'est pas moi. Et puis il y a un chanteur, et le chanteur, c'est moi. Enfin, quoi que j'ai cherché sur internet, il y en a pas mal d'Olivier Capel. Il y a beaucoup de Capel. Mais l'Olivier Capel chanteur, non, il y en a déjà beaucoup moins. Et Olivier Capel chanteur par Noya qui schizophrène, alors là, il y a comme. Et Olivier Capel qui ont fondé Pas de repos, Parti de résistance politique. Oui, alors là, je suis très très très content parce que j'ai fondé au bout de quelques années. De survie sur cette planète, j'ai quand même fondé un parti poétique. Hein. Alors là, je le montre à Charlotte, journal officiel de la République française, loi et décret, association loi 1901, journal officiel. C'est du 12 avril 2008. Et là, je vois page 1660, l'article 586. Oui. Association W combien ? Déclaration à la préfecture de l'Haute-Garonne, pas de repos, en trois mots, objet. Alors je lis la définition parce que j'en suis très très fier. L'objet de Pas de repos. Se définir comme un parti poétique, développer dans toutes ses actions, ses activités et dans les domaines qu'elle jugera opportun, une attitude poétique, un parti pris poétique en utilisant tous les moyens susceptibles de favoriser la réalisation de l'objet ainsi défini. Voilà. Et j'en suis très très fier parce que c'est là, c'est ici et maintenant, il faut que ça vive. Vive la poésie! Non, mais on peut le dire plus simplement aussi. C'est enfin, né. Je délire un peu, mais. C'est né. Parce que je commence à boire la cristalline. Qui... Encore? Qu'est-ce que tu as mis dans la cristalline? Oh là là! Ça... Non, je suis très fier de ce pas de repos. D'ailleurs, j'ai des objets en vente aussi, mais à très très cher. Un briquet, 500 euros. Ok. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont m'acheter. Mais attends, c'est la côte? Voilà. Donc j'ai des briquets, j'ai des stylos, j'ai même des préservatifs. Voilà, parce que c'est aussi important. Enfin bon, voilà, je dis ça en passant. Et on fait quoi dans ce parti? Alors, c'est un parti pris. Hein, c'est un parti pro-poétique. Alors, la poésie, qu'est-ce que fait la poésie? La poésie, elle dévoile, elle montre nu ce que nos yeux sont habitués à ne plus voir. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Hein, par exemple, s'étonner, toujours s'étonner de ses sens. Hein. Est-ce que le soleil va se lever demain? Oui, mais... Il y a de fortes probabilités, mais est-ce que c'est certain? Par exemple, dans la religion égyptienne, la culture égyptienne, les Égyptiens étaient persuadés que le soleil ne se lèverait pas. Et s'il n'y avait pas des prêtres qui priaient tous les soirs pour que le soleil se lève, on n'était pas sûr d'avoir le soleil. Bon... Hein? Ça vous laisse quoi? Hein? Mais s'étonner de ses sens, c'est-à-dire ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous présente et réfléchir. Réfléchir toujours à des choses. Voilà. S'étonner d'une porte ouverte alors qu'elle devrait être fermée. S'étonner des lieux. Voilà, tout à l'heure j'ai chanté dans la cage d'escalier. Tout d'un coup, s'étonner de ça. Oh, la cage d'escalier. T'as pas remarqué par exemple l'enregistrement du parc? Le fait de l'écouter. On prête attention à des choses qui, tu vois, ça les met en valeur, de les écouter par un enregistrement. Oui. Ça devient une oui, c'est développer, tout à fait. Voilà. Développer ses sens, c'est un boulot, et c'est le boulot des artistes. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est ma ligne poétique. Hein. C'est un peu personnel, puis en même temps, ça me permet de... Ça me permet de faire entendre des gens aussi qui ont pour moi en essayant de favoriser l'émergence de certaines qualités poétiques. Eh bien, écoutez, je crois que le message est clair. Il s'agit d'organiser des manifestations culturelles qui mettent en valeur une certaine en essayant de favoriser l'émergence. Alors, évidemment, l'humour est présent, parce que sans humour, qu'est-ce qu'on est? Donc, en essayant de favoriser et puis de promouvoir certaines personnes qui ont cette fibre poétique qui est tellement essentielle dans notre société. Là, je suis sérieux, mais c'est très clair. On peut le faire avec humour. Il s'agit tout simplement du fond, une manifestation de la forme, à fond le fond. La poésie, ça crée un éloignement. Ça crée une distance. Voilà, une distance. Certaines qualités. Et l'humour aussi. Oui, et puis ça développe l'imaginaire. Voilà. Donc. Alors les arrêts sont Tristan, c'est les arrêts, c'est là. Alors il y a toujours un petit bout qui les passe, mais j'aime bien ça. C'est le petit côté artisanal, vous savez, c'est la tranche de jambon, le charcutier qui vous met un peu de gras autour. Là. Eh bien oui, mais c'est ça la vie. Moi je dis que l'humain est imperfection. Hein, voilà, donc voilà, on est imperfection. Faut se forcer. Les choses de trop propres, trop carrées, trop. Ah pardon, j'ai un R qui s'est coincé dans la gorge. Ah, c'est difficile de lâcher des mots. Hein. Surtout quand on fait de la percussion. Hein. Et la voix, le parler, c'est de la percussion. La voix quand on papa parle. C'est ça. Se rendre compte que ce que je dis à mes élèves, lève-toi. Je dis, mais attention, écoutez ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est merveilleux. Écoutez votre voix. Alors, je leur dis, mais oui, mais moi j'adore écouter les voix des gens, parce que c'est le voix, un timbre, c'est... D'ailleurs, à ce propos, Charlotte, je n'entends pas ta voix. Hein, tes mots me manquent, tu n'entends plus ce chant, la lumière de mon cœur, tes mots ne sont qu'une lueur. Oh, t'es-tu perdu? Voilà, et alors on part comme ça et on ne sait plus où on va. Hein. Mais c'est ça qui est bon, parce qu'on peut se perdre, on tire le fil de la conversation, et on arrive dans un endroit, un parc, par exemple, ou quelque chose. Et c'est pas grave, Tristan, si tu te plantes sur les débuts et les fins, parce que c'est ça la vie, l'humain est imperfection, clamons-le haut et fort. Voilà, parce que le parti poétique, c'est aussi des slogans. Hein. Alors j'en ai un porté là, yes. Tu peux le voir, tout le monde. Consommer peu, consommer mieux. Oui, voilà, par exemple. Non, parce qu'on nous dit consommer, mais oui, mais consommer quoi? Pour acheter quoi? Hein, bon, alors le pouvoir d'achat, c'est bien. Mais lecteurs MP3. Mais lecteurs MP3, mais si c'est bien, oui, mais bon, attention à ce qu'on achète, pas n'importe quoi. Mais oui, mais c'est bien la technologie. Moi, j'écoutais, laissez-moi parler. Je représente des millions, alors s'il vous plaît, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas une raison. Moi, je crois que. Mes amis. Et puis des voitures. Il est temps de trouver un autre chemin. Des voitures, hein, alors, mais des voitures, mais je n'ai rien contre la voiture. Moi, je me déplace en voiture quand j'en ai besoin. Et puis. Le 4x4, le 4x4 de loisirs, excusez-moi, voilà. Mais non, j'ai du mal. Audi. Mais non, mais écoutez, il faut arrêter. Non, mais écoutez, il faut arrêter tout ça. Non, il faut réfléchir. Hein, ne pas se laisser comme ça se fourvoyer dans l'océan de la consommation. Consommer peu, consommer mieux. Voilà, mieux. La qualité. Hein. Bon, ça a un prix. Oui, mais le prix. Mais pour tout, pas forcément pour le boudin, tiens. Voilà, du boudin. Voilà, mais pas forcément pour ça, pour tout, pour la charcuterie, pour le steak haché qui doit être pas trop cuit et saignant, sinon c'est dégueulasse. Ça. Pardon, oui, j'ai dit un gros mot, mais ça fait rien. C'est un gros mot dégueulasse. Non, mais un gros dégueulasse, si je te dis gros dégueulasse, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise des gros mots là, à l'antenne? Non, alors écoute, ne me provoque pas s'il te plaît. Voilà, donc... Il faut parler quand même des choses essentielles. Donc, pour fêter cette... d'autres slogans. Oui, mais... Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde mon programme, parce que je ne connais pas tout par cœur. Là, comme ça, sous la main, j'en ai plus. Là, voilà. Tu vas faire un festival. Il y aura... Oui. Tu organises un festival. Voilà. On va devenir sérieux, 5 minutes. Oui. Donc, pour fêter la création de cet événement, de ce parti poétique, oui, que j'espère serein, efficace. Donc, on organise 3 jours de rencontres culturelles, artistiques, hein, avec des concerts, des stages et des expositions. Et on ne le fait pas à Toulouse parce que j'ai voulu justement investir un village qui s'appelle Le Burgot. Le Burgot qui est à 37 km de Toulouse. Du côté de Grenade. Voilà, du côté de Grenade, en Haute-Garonne. Et dans ce village, il y a un café-concert, hein, qui est un lieu, pour moi, ce que j'appelle les lieux alternatifs. Bon, c'est un mot un peu banal maintenant, mais ce sont des lieux qui, avec c'est un café associatif où on peut manger, on peut se restaurer, et il y a une salle de concert où, eh bien, voilà, on peut entendre des artistes, ma foi, tout à fait intéressants. Et alors, j'ai voulu le faire là parce que je trouvais ça chaleureux, voilà. Mais j'ai pas voulu uniquement faire un concert au café, donc il y a le vendredi, en fait, peut-être on rappellera les dates à la fin. Mmh. Il y a un moment où il y a une conférence que j'ai appelée un congrès serférence, un congrès concert conférence trois en un, hein, pour écouter de la musique. En même temps, il y a un discours, hein, un discours du parti, puisque c'est un parti politique, il faut quand même qu'il ait un programme un minimum. Mais voilà, il y a un jeu, il y a un débat d'idées avec où les gens vont pouvoir participer, donner leur avis, il y a des questions. Alors tout ça sous une forme très fantaisiste, parce que je suis quelqu'un d'un peu fantaisiste quand même, je dois le reconnaître. Un peu. Mais ça ne m'empêche pas de faire les choses sérieusement. On peut adhérer ? Oui, alors, oui, on peut adhérer à condition de ne pas prendre une carte. Voilà. Moi, pour moi, un parti politique, on peut pas prendre une carte, on peut pas adhérer à un parti, parce que la partie, la poésie, c'est la liberté. Oui, oui. Mais on peut quand même acheter une carte. Mais vous êtes du parti, vous décidez d'être du parti politique. Voilà. Il n'y aura pas d'inscription réelle sur parce que je on donne un petit quelque chose pour le voilà pour la vie du parti. Voilà, mais il y a pas de carte particulière. Voilà. Non, on peut être membre de l'association, ça c'est différent. Mmh. Mais on peut être membre de l'association, mais on est toujours libre. Je n'avais pas envie de prendre les gens par le col. Tu vas faire partie du parti politique, ouais. Parce que sinon, à partir du moment où on est commencé à être dans un cadre trop fermé, ben voilà, c'est fermé, on ne peut plus sortir. On peut simplement adhérer. On peut adhérer par le cœur. Par exemple, je peux dire, je suis du parti. Voilà. D'accord. Voilà, si tu as envie, tu peux le dire. Très bien. Moi, voilà, c'est officiel. Voilà. Et bien, ça me fait plaisir. Je peux vous serrer la main. Voilà, en direct, la poignée de main. c'est un beau moment d'émotion, je crois. Voilà. Mais si tu veux en partir, tu en pars tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Donc le 16, le 17 et le 18 mai. Voilà, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18, des concerts, stage de chant, stage de sound painting. Ouais. Alors, sound painting, qu'est-ce que c'est? C'est la peinture sonore. Les gens qui n'ont jamais fait ça, c'est une technique d'improvisation. C'est super intéressant. Vraiment. Donc il y a un stage d'initiation. On accueille aussi des gens qui l'ont déjà fait, puisqu'il y a des gens qui vont venir, qui ont déjà un petit niveau de chant et de technique, ce qu'on appelle de peinture sonore. Donc c'est des jeux de composition. Il y a un stage d'écriture aussi, un stage de théâtre. Voilà, j'ai voulu mélanger des concerts. Alors il y a un trio qui a été créé pour cette occasion, avec Jean-Paul Raffi, justement, on en parlait tout à l'heure, Michael Chary. Et Laurent Paris. Ce sculpteur, j'adore Laurent Paris. C'est aussi un musicien. Voilà, on ne peut pas parler de tout le monde. Laurent Paris, c'est tout un poème, quoi. Allez, quand vous passez devant la galerie Ombre Blanche, la galerie d'art Ombre Blanche, il y a plein de sculptures de Laurent Paris, quelques-unes. C'est un perfectionniste, il est sculpteur aussi, il fait des choses merveilleuses. Ah oui, très et c'est un très très bon musicien. Et Michael Chary aussi, c'est un jeune musicien Voilà, c'est des gens super intéressants. Je suis très très très fier qu'ils aient accepté de jouer dans ce festival. Il y a Olympe Louise aussi, un chœur avec Michel Zini. Il y a Frédéric Lacour qui est un saxophoniste que je trouve super aussi, vraiment, qui joue super bien, qui est humainement super intéressant, qui est aussi très fantaisiste, beaucoup plus que moi. Hein, donc aussi, si vous avez envie de l'inviter, c'est quelqu'un de super. On fera Voilà, il y a Xavier Pacteau, donc il y a le sound painting. Jean-Luc Pradalier qui anime le théâtre. Catherine Moreau qui anime les ateliers d'écriture. Et voilà, c'est des gens Magnifique, quoi. Voilà, quoi. Donc 16, 17, 18 mai 16, 17, 18, au Burgo. Voilà. Et ton 16, 17, 18 mai 2008 au Burgo. Venez, nombreux. Ton site internet. Ton site internet. Oui, alors oui, il y a Olivier Capel. Il y a le myspace.com, pas de repos. Voilà. Où il y a toutes les informations. On peut télécharger le programme aussi sur le festival. Voilà, avec tous les renseignements. Okay. Tarifs, prix, etc. L'émission va se terminer. C'est déjà fini. Mais merci Tristan. Hein. Là, on termine en fait. Merci Charlotte sur nous avoir écouté. Prayanama du bal dépendu. Oui, Prayanama du bal dépendu. On t'entend à la batterie. Voilà, Emile, Chari, guitare, voilà. Arnaud, Courcel, Camille Sabatier, Fabrice, ça y est. Et donc, le site internet indesis.com, indesis.com. Pour bien s'en rappeler, il y a un mot technique, c'est in, parce in dans le courant. In dans le courant. Pour voir de l'intérieur. Dièse pour avoir un dièse plutôt qu'en bémol. Yes. Si situé dans. 6. Donc indie indépendant, indie 6, grosso modo situé dans l'indépendance. Merci. Indiesis quoi, Indiesis. L'agressant musique. Au revoir. Merci. Merci Olivier. Ah non, merci d'avoir reçu.